Il existe au fond de ma pensée, il existe en moi, je le sais. Il existe et il est tout près, il me reste à le visiter. Il y a dedans ce qui me plaît, il y a ma vie en entier. Et quand je m'en éloigne trop, il me manque beaucoup trop. Mon univers, un univers comme les autres. Mon univers, je l'ai cherché parmi d'autres. Mon univers, il fait partie de ma vie. Et mon univers, se trouve quelque part en moi, parfois j'y entends ta voix. Lorsque tu viens me réveiller, tu dois venir t'y présenter. Lorsque les coups de feu résonnent, dans mon univers rien ne sonne. Et dès que j'en suis sorti, je me bats pour garder ma vie au fond de l'univers. Un univers comme les autres. Mon univers, je l'ai cherché parmi d'autres. Ouais, mon univers, il fait partie de ma vie. Oh, mon univers. Et si parfois le jour je suis seul et je cours pour ne pas me faire atteindre par une balle qui m'emporterait pour toujours, je recherche un coin sombre protégé de mes ennemis. Et je m'endors, je m'endors comme pour m'offrir un sursis, comme pour m'offrir un sursis. Oh, oh, oh. Woo!